En France, la poésie est concentrationnaire. Elle n'a Dieu que pour les fleurs. Le contexte d'humus et de fermentation qui fait la vie n'est pas dans le texte. On a rogné les ailes à l'albatros en lui laissant juste ce qu'il faut de moignon pour s'ébattre dans la basse-cour littéraire. Le poète est devenu son propre réducteur d'ailes. Il s'habille en confection avec du capoc dans le style et de la fibrane dans l'idée. Il habite le palier au-dessus du reportage hebdomadaire. Il n'y a plus rien à attendre du poète, muselé, accroupi et content dans notre monde. Il n'y a plus rien à espérer de l'homme, parqué, fiché, souriant à l'aventure du vedettariat. Le poète aujourd'hui doit être d'une caste, d'un parti ou du tout Paris. Le poète qui ne se soumet pas est un homme mutilé. Enfin, pour être poète, je veux dire reconnu. Il faut aller à la ligne. Le poète n'a plus rien à dire. Il s'est lui-même sabordé depuis qu'il a soumis le vers français au dictat de l'hermétisme et l'écriture dite « automatique ». L'écriture automatique ne donne pas le talent. Le poète automatique est devenu un cruciverbiste, dont le chemin de croix est un damier avec des chicanes et des clôtures. Le 5 o'clock de l'abstraction collective. La poésie est une clameur. Elle doit être entendue comme la musique. Toute poésie destinée à n'être que lue et enfermée dans sa typographie n'est pas finie. Elle ne prend son sexe qu'avec la corde vocale, tout comme le violon prend le sien avec l'archer qui le touche. Il faut que l'œil écoute le chant de l'imprimerie. Il faut qu'il en soit de la poésie lue, comme de la lecture des sous-titres sur une bande filmée. Le vers écrit ne doit être que la version originale d'une photographie, d'un tableau, d'une sculpture. Dès que le vers est libre, l'œil est égaré. Il ne lit plus qu'à plat. Le relief est absent. Comme est absente la musique.